Chapitre 12e. Heureusement, je me réveille presque tout de suite. J'ouvre un œil et remarque une petite lumière rouge au-dessus d'une porte. Dans mon champ de vision, une poche plastique pend du plafond. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Que signifie ce changement de décor complet? Refermons les yeux, au lieu d'imaginer des conneries. Mais qui a eu l'idée de mettre une pendule qui égrène les secondes à coups de bip assourdissant? Non loin de moi, j'entends aussi un tigre feuler régulièrement. Il va finir par me bouffer, c'est sûr. Allez, c'est un cauchemar, abruti, et tu n'es pas réveillé. J'essaie de prendre en chemin un autre train de rêve. Une femme s'avance vers moi, nue sur la pointe des pieds, ses bras relevés retiennent sa chevelure brune, remontent à sa poitrine qu'elle a magnifique. Mais je la connais, c'est Gilda. Comme elle est belle comme ça. Mais les bips de l'horloge continuent, et ce putain de tigre ne veut pas la fermer. Il faut que j'ouvre les yeux pour sortir de ces cauchemars à rallonge. Toujours la lumière rouge et la poche en plastique. Tiens, maintenant, un visage de prune se penche vers moi avec un sourire avenant. Allez, monsieur, réveillez-vous. Respirez à fond pour faire remonter la tension. Respirez et ouvrez les yeux. Allez. Elle n'est pas mal, cette brune, mais le tigre est toujours là. Le tigre, il ne peut pas fermer sa gueule. Quel tigre, il n'y a pas de tigre ici. Allez, réveillez-vous. Et voilà-t-il pas qu'elle me donne des claques maintenant, cette folle. Merde. Ah, voilà, ça va mieux. Allez, gardez les yeux ouverts. Le tigre, lui fais-je en lui désignant ma droite du pouce. Ah mais non, c'est pas un tigre, c'est un malade qui se réveille comme vous. J'essaie de tourner ma tête, mais une douleur terrible me traverse le crâne. Aïe, putain, mais qu'est-ce que j'ai? Vous avez pris un coup sur la tête, vous avez un gros hématome au cœur chevelu. Emma? Tom? Je ne les connais pas, ceux-là. Ah, vous plaisantez, alors ça va mieux. Le malheur, c'est que je ne plaisante pas du tout. Je ne les connais vraiment pas, ces deux-là. Vous avez été dans le coma, mais il n'y a rien de grave. Respirez à fond, voilà. Comme ça. Je regarde cette femme dans les yeux et soudain, son regard m'apparaît comme la seule fenêtre vers la liberté et la fin du cauchemar. Elle devient plus sérieuse et semble comprendre ce qui se passe dans mon esprit. « Allez, » fait-elle en me caressant la joue. « Ça va aller, vous n'avez rien de grave. » Tout à coup, la porte de la chambre s'ouvre sans ménagement et un homme se dirige droit vers mon lit. Physique de rugbyman, des stylos et tuyaux dépassant de toutes les poches de sa blouse blanche. « Alors, monsieur Volpi, vous êtes revenu parmi nous? Vous avez pris un sacré coup sur le carafon. Vous n'avez pas que des amis, c'est certain. » Il pose sa main sur mon épaule et son regard est dirigé vers ce qui doit être des appareils de contrôle placés près de moi. « Bon, tout va bien. » Vous avez eu un trauma crânien, mais sans œdème ni hématome intracrânien. En revanche, vous avez le cuir chevelu méchamment amoché. J'ai dû vous mettre une dizaine de points. Rappelez-moi votre nom. Gino Volpi. Vous êtes marié? Oui. Le nom de votre épouse? Gilda. Vous avez des enfants? Oui, une fille, Lisa. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est à vous de me le dire. Je fais, étonné. Vous venez d'où? De Marseille. Je suis commissaire de police. Bien, bien. Quel est votre meilleur ami? Serge Michaud, il est aussi commissaire. Alors qu'est-ce que vous faites dans la région? Nous sommes en vacances, au Vigan, à Molière. Bien. Ici, vous êtes à l'hôpital de Ganges. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je comprends alors que toutes ces questions étaient destinées à tester ma mémoire et juger de mon réveil. Malheureusement, je n'arrive pas à me souvenir ce qui a pu causer cette blessure au cuir chevelu et ce plongeon dans le coma. Je suis peut-être tombé, je sais plus. Dis-je un peu angoissé. Le médecin me tapote l'épaule. « Ne vous inquiétez pas, ça va vous revenir. C'est déjà pas mal tout ce que vous m'avez raconté. Allez, on va vous transférer dans une chambre normale. Si vous passez une bonne nuit, vous sortirez demain matin. » Aussi sec, me voilà véhiculé sur mon lit à roulettes. J'ai le temps d'apercevoir le tigre, mon voisin, un gros monsieur, dans le coaltar le plus profond. Après un petit coup frappé à la porte de ma nouvelle chambre, quelqu'un entrebâille et une tête se montre dans l'encadrement. L'apparition de ce visage, c'est comme si ma mère, ma grand-mère, mon parrain, même mon père, que je n'ai guère connu, étaient venus me chercher pour me tirer de ce merdier. Gilda entre et avance vers moi, comme si elle marchait sur des œufs. Je suis sauvé. D'un coup, je reprends conscience de tout ce qu'elle représente pour moi. Il n'y a vraiment que dans les épreuves qu'on s'aperçoit des liens qui nous unissent. Elle se penche vers moi et je m'enfouis soudain dans ses cheveux et son parfum. « Mon chéri, murmure-t-elle, tu nous as fait tellement peur. »« Je ne me rappelle de rien. Explique-moi, parce que là je commence à angoisser. » Quand nous sommes revenus de la rivière, on t'a trouvé couché dans l'herbe, sur le côté, l'arrière de la tête plein de sang. J'ai bien cru que tu étais mort. Tu m'as fait la peur de ma vie. J'avais beau t'appeler, te secouer, tu ne bougeais pas plus qu'un tronc d'arbre. Ludo s'est mis à hurler. « Tonton est mort, tonton est mort !» Je t'en raconte pas. Serge est descendu à la cabine, téléphoné aux pompiers et aux gendarmes, et on t'a conduit à l'hôpital de Ganges. Tu étais dans le coma. Mais il est quelle heure maintenant? 8 heures du soir. Tu as dû rester au moins 4 heures dans le coma. On t'a trouvé vers 5 heures, et personne ne sait exactement quand ton accident est arrivé. Quel accident? Je ne me souviens de rien. Les gendarmes n'ont trouvé aucun indice. Mais calme-toi, ça va te revenir. Non, tout de suite, il faut que je me rappelle, c'est important. Gilda détourne son regard et devient un peu plus pâle. Il faut que tu arrêtes, Gino, ça devient dangereux. Je la sens réellement soucieuse et abattue. Je lui prends la main et la caresse doucement en attendant qu'il veuille bien parler. On t'a trouvé avec une blessure à la tête, perdant ton sang. Tu as dû être agressé, il n'y a aucune autre explication. Elle s'écarte de moi à regret et va entrouvrir la porte. Aussitôt, Serge et Sylvia se glissent dans la chambre, un sourire contrit sur les lèvres, comme s'ils étaient fautifs. Sylvia vient m'embrasser la première, les yeux humides. « Tu sais qu'on t'aime, toi? J'ai eu tellement peur. Mon grand frère. » Serge aussi me fait la bise et me serre les épaules en tremblant légèrement. Lui aussi, les yeux brillants. Quelqu'un t'a frappé par derrière avec un objet lourd, un bout de bois ou une pierre. Tu ne te souviens de rien? Tu n'avais personne? Quand nous t'avons laissé, tu étais couché sur le lit de camp, sous le platane, tu te souviens? Tu voulais faire la sieste parce que tu avais mal dormi la nuit dernière. Mal dormi. Le matin, tu allais boire Valérie au centre, ça te revient? Valérie, les bras en croix dans l'herbe, la chaleur de sa main, l'histoire du suicide de Baume. Oui, ça me revient vaguement. À midi, tu nous as raconté ce qu'elle avait dit, et après nous t'avons laissé pour que tu te reposes. Je me revois, couché dans le lit de camp et retrouve la fraîcheur à l'ombre des arbres. Il me semble que c'est à des années-lumière, et pourtant, il n'y a que quelques heures que tout cela est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé entre le lit de camp et la découverte de ma dépouille dans l'herbe? Une femme entre dans la chambre, portant un plateau sur lequel fume un bol flanqué d'une tartine. « Essayez de manger, monsieur. Ce soir, c'est léger pour ne pas vous encombrer l'estomac, on ne sait jamais. Je vais vous arranger les coussins, il faudrait essayer de vous asseoir. » Soutenu par Serge et l'aide-soignante, je parviens à me relever en commençant par m'approcher sur le côté. Je remarque alors les souliers de Sylvia et j'éprouve un vague étourdissement. Des tennis, des jeans, orphan de pied. Il y a une image qui arrive du diable Vauvert du tréfonds de ma cervelle. Une femme qui court, qui s'enfuit. « Ça y est, je crie. Il y a quelque chose qui me revient. J'ai couru après une femme qui s'enfuyait derrière la maison. Et d'où elle venait, cette femme? Je ne sais plus. Et pourquoi tu n'as pas continué à la poursuivre? Essaie de te souvenir, me demandent en cœur mes amis. Devant mon mutisme, Serge me questionne encore. Tu ne l'as pas reconnue, cette femme? Elle était blonde, brune. J'ai pas pu voir, elle portait un bob. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle était vachement agile. J'aurais jamais pu la rattraper. Elle sautait comme un cabri. Donc, c'est pas la femme qui a pu t'assommer, puisque tu as pu la voir s'enfuir. Il y avait forcément quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu n'as pas vu. L'aide-soignante revient chercher le plateau auquel je n'ai pas touché. Vous n'êtes pas raisonnable, fait-elle en s'adressant à tous. « Il faut qu'il boive ce bouillon. Allez, aidez-le. » Je bois à petits coups en mastiquant ma biscotte. « C'est des meilleurs hier, pas vrai, Gino? Qu'est-ce qu'on a mangé hier? Tu te souviens? C'est toi qui les as préparés. » Je me rappelle effectivement les écrevisses en sauce piquante, le récit de Serge et celui de Louis, mon copain gendarme. Le gendarme, les godillots, les tenues militaires, la couleur kaki. « Nom de Dieu, le kaki !»« Oh putain, les godillots !» Je manque m'étouffer avec le bouillon. L'aide-soignante est tellement surprise qu'elle se recule vivement, craignant une attaque de ma part. Je me demande s'il n'est pas devenu fada, votre ami. Mais non, je ne suis pas fada, je me revois par terre avec à côté de moi de grosses godasses de bouseux et au-dessus des pantalons kaki, comme dans l'armée ou pour la chasse. C'est peut-être la personne qui t'a frappé, non? Ce n'est pas peut-être, c'est sûr. Il est possible, fait Serge, que la personne t'ait frappé pour que tu ne puisses pas poursuivre la femme. Ce maigre bouillon, mine de rien, m'a fait un bien fou. C'est drôle, comme la plus simple des nourritures peut quelquefois faire plus d'effet qu'un médoc élaboré à goutte dollar. Peut-être que l'homme, je dis l'homme parce que ça ne peut être qu'un homme pour porter des godasses pareilles, l'homme poursuivait la fille et je lui cassais son cou. Pour ne pas que je puisse le dénoncer, il m'a escagassé. « Je ne sais pas, » fait Serge, « j'ai pensé à quelque chose. Mais il faut que je complexifie ma réflexion, comme tu dis. On va te laisser dormir et te reposer. Demain, il fera jour, mon Gino. » Je me retrouve seul dans la chambre et j'éteins la lumière pour pouvoir mieux réfléchir. Immédiatement, je ressens la solitude, un léger malaise, comme si l'on m'avait abandonné. Je me concentre sur ma douleur, histoire de mieux la connaître et de l'apprivoiser. À l'arrière de mon crâne, je sens les coups sourds de mon pouls, comme si mon sang tentait de s'échapper à travers les points de suture. Une fois le tour du propriétaire fait, je trouve que l'ensemble est en relatif bon état et me rassure un peu. Puis arrive à grand galop une colère du tonnerre de Dieu. « Il aura pu me tuer, ce fumier !»« Je te jure que je vais lui faire pleurer sa race à ce fils de pute !» Je n'aurai de cesse de l'avoir débusqué et de lui faire payer cher son atteinte à mon intégrité. Vers 10 heures du soir, l'infirmière de nuit vient me rendre visite après avoir allumé la veilleuse. Comme je lui souhaite le bonsoir, elle me fait « Vous ne dormez pas encore ?»« Ça fait 1 heure que je tourne et que je vire, j'ai la colère. » Tout en m'écoutant, elle me prend la tension et la température. « Effectivement, vous avez une tension un peu élevée. C'est vous qui avez été agressé, c'est ça ?»« Oui, un coup en traître par derrière. » « Vous n'avez pas vu votre agresseur ?»« Non, si je l'avais vu, il serait déjà mort. »« Ouh là là, je vais vous donner un sédatif qui va vous détendre et vous faire dormir. »« La vengeance est un plat qui se mange froid. »« Oui, et avec un couteau. »« Vous n'auriez pas un peu de sérum physiologique ?»« Il faudrait que j'enlève ma lentille. »« Vous n'en avez qu'une ?»« Ben, j'en avais deux, mais j'en ai perdu une dans la bataille ou dans vos couloirs. »« Pour ça aussi, il faudra payer. » J'ai dormi comme un plomb, et quand j'ouvre les yeux, j'ai le plaisir de voir la bonne tranche de Serge au pied de mon lit. Il me regarde avec un bon sourire attendri qui me réchauffe le cœur. Sylvia est un peu en retrait. Gilda est restée. La petite a bramé toute la nuit. Ça doit être les dernières dents. On attend que le médecin te donne le feu vert et on t'amène, ma vieille. Malheureusement pour moi, le médecin ce matin est suspicieux et circonspect. Je préfère vous garder encore aujourd'hui en observation. On n'est jamais trop prudent. Des fois qu'un petit épanchement intracrânien se déclare. Vous pouvez vous lever et prendre de l'exercice, mais restez dans les parages. Et merde, qu'est-ce que je vais foutre toute la journée dans cet hosto? Serge va rester avec toi. Moi, je retourne prévenir Gilda pour qu'elle ne s'inquiète pas. Je viendrai le rechercher ce soir. Ça te va? Ouais, vous êtes des vrais potes. Mais tu peux repartir, Serge. Après tout, une journée, c'est pas la mort d'un homme. Enfin, pas encore. Revenez me voir ce soir, avec Gilda et la petite. On va aller chercher de quoi lire. À tout de suite. Serge m'a acheté l'équipe et Sylvia me gratifie du Crime des Justes d'André Chanson, œuvre ancienne certes, mais excellent livre, d'après elle. Une fois mes amis partis, je me retrouve comme un rond de flanc. Ce n'est pas que je déteste la solitude, mais je la supporte si je l'ai décidé de mon propre chef. Lorsqu'elle m'est imposée sans prévenir, je me sens arraché au mien et au cours normal de ma vie, et ça, bon Dieu, ça me fait flipper grave. Après quelques pages de lecture pendant lesquelles mes pensées se superposent aux images générées par le livre, je commence à errer dans les couloirs. Il me prend soudain une envie terrible de fumer. Fébrilement, je déambule dans le bâtiment. Il doit bien y avoir un moyen de trouver des clopes dans ce bazar. Au détour d'un couloir, je tombe dans le service de chimiothérapie et croise des gens diaphanes aux chevelures absentes. À mon approche, il me gratifie d'un pâle sourire, l'air de dire « Bienvenue au club ». Je repense à mon ami Georges, à son courage et sa pugnacité face à ce putain de fléau. Aussitôt, mon envie de recommencer à fumer me quitte comme si je l'avais seulement rêvé. Je retourne vite fait me réfugier dans ma chambre et me replonge dans ma lecture. Progressivement, je m'imprègne du roman et commence à mieux comprendre le terroir et ses traditions. Je n'irai pas jusqu'à dire que je m'y sens comme chez moi, mais j'ai le sentiment d'appartenir d'une certaine façon à cette culture-là. Le scénario du bouquin pourrait tout aussi bien se passer dans le sud de mon Italie ou dans les Basses-Alpes, chez Ragiono. Vers midi, je m'enhardis et vais faire un tour dans le parc. Après tout, je ne suis tout de même pas en tôle. Sur un banc, au soleil, j'engage la conversation avec un papet qui reste les yeux fermés, mais qui, j'en suis sûr, comme les chats, ne doit pas perdre une miette de ce qui se passe autour de lui. Sans ouvrir les yeux, il me fait « Qu'est-ce qui vous arriva ?» L'emploi oublié du passé simple déclenche déjà mon intérêt pour ce vieux. Je fus attaqué par derrière et on me fendit le cuir chevelu. Je suis resté plusieurs heures dans le coma. Mon passé simple semble lui convenir et il continue la conversation. « Où ça se passa? Ici, à Ganges? Non, au Vigan. Ah, je me disais aussi, ici c'est tranquille, tandis qu'au Vigan, c'est un pays de détrousse. On vous a volé beaucoup ? Mais non, rien, on m'a frappé alors que je faisais la sieste à l'ombre. Alors, fait le vieux, très sérieux, c'est quelqu'un qui vous a pris pour une mouche. Je le regarde du coin de l'œil, un peu déstabilisé par ce que je viens d'entendre. Il se fout de moi ou quoi ? Il tourne enfin la tête vers moi, ouvre des yeux très bleus et me lance. Et c'est sûr ça, une mouche et pan, escagacé. C'est emmerdant les mouches, pas vrai ? Ceci dit, il se rengorge, assez content, et ferme de nouveau les yeux. Je comprends alors que s'il est à l'hosto, c'est parce qu'il doit être un peu ramolli du carafon. Pourvu que je ne devienne pas comme ça dans quelques années. Du coup, j'accueille avec plaisir le repas maigrelet qui m'est servi. Rien ne va, ni le goût, ni la température, ni la quantité, mais je repense au couloir de tout à l'heure, et je suis bien content de mastiquer mes croquettes. Croquettes de quoi, au juste ? Vers 5 heures, tous ceux qui me sont chers débarquent. Après les embrassades et les apitoiements de rigueur, je demande à Serge s'il n'y a rien de nouveau. Non, rien. Allez, arrêtez avec votre histoire, intervient Gilda. Regarde papa comme il a une belle tête, fait-elle à Lisa en lui faisant toucher mon grand pansement. Vers 6 heures, on me porte à manger alors que ce n'est même pas l'heure de l'apéro. Gilda contrôle ce que je dois manger avec un air navré de compassion. Eh ben, mon pauvre chéri, c'est pas aujourd'hui que tu vas grossir. Heureusement que tu pourras te rattraper demain. Sur le coup de 19 heures, le médecin passe en saluant toute la famille. Je remarque dans son œil une lueur d'intérêt à la vie de Gilda et de Sylvia. « Bon, vous sortez demain. Je vois que vous êtes bien entouré. » Mes êtres chers partis, je replonge dans ma solitude, moins difficilement que la veille, mais enfin, l'espoir de la liberté prochaine sustente mon moral. Après la bonne nuit leptie de l'infirmière de garde et le demi-sédatif, je plonge dans un sommeil sans rêve, du moins je ne me souviens pas d'en avoir fait. Dès 7 heures du matin, on me pousse à la toilette et à l'habillage. Ils vont tout de même pas me foutre dehors comme ça sans un adieu. Vous allez patienter dans le hall. Le secrétariat va vous faire les papiers nécessaires à votre sortie. Entre-temps, Serge apparaît, un sourire de satisfaction sur les lèvres de me voir tout habillé. Quelques minutes plus tard, muni des ordonnances ad hoc et de mon bulletin de sortie, je prends place dans le bus VW, un œuf d'autruche sur la tête, ce qui ne m'empêche pas de mastiquer un croissant frais. « Ça va, tu es bien ?» me fait Serge en me glissant en regard de côté. « Impec, là je peux dire que je suis entré en contact direct avec le meurtrier, » dis-je en montrant l'arrière de mon crâne. « Alors il faut que je te montre une chose que nous avons découverte. » Se disant, il me fait passer un mot qu'il prend dans la boîte à gants. « Regarde, c'était punaisé à la porte ce matin. »« Ne vous mêlez plus de rien, commissaire, il en va de votre vie. Laissez les gendarmes faire leur travail. » Le billet était-il signé, Serge ? Non. L'écriture est légèrement différente de celle des autres billets. Celui-là ne doit pas être de la main de l'assassin. J'ai toujours pensé qu'ils étaient deux. Je te l'avais dit. Il y en a un des deux qui commence à avoir les foies ou qui trouve que ça va trop loin. Mais pourquoi ils sont venus nous chercher, dans de Dieu ? On ne leur avait rien demandé, à ces cons. Leur billet doux, ils n'avaient qu'à les envoyer aux gendarmes au lieu de venir nous emmerder. Ça, tu vois, je n'arrive pas à le comprendre. Je crois qu'il savait très bien que nous en parlerions à Louis à chaque fois. Il pensait certainement que nous allions nous répandre auprès de la populace, histoire de faire parler de nous, et par la même occasion, d'eux. Et ça les amusait peut-être de voir la façon dont nous allions nous y prendre. D'un côté, il y a les gendarmes avec leur méthode, et d'un autre, notre bricolage qui doit bien les faire marrer. En tout cas, ce sont de fins psychologues, car nous aurions très bien pu ne nous occuper de rien. Mais ils ont subodoré que nos réflexes professionnels prendraient le dessus, sans compter le passe-temps gratuit qui nous était offert. Dans le premier billet, le cobra le disait bien. « Je crains fort que vous nous ennuyiez, et nous sommes tombés dans le panneau. » De toute façon, pas question de laisser tomber maintenant avec ce que j'ai pris sur la tête. Il faut qu'il paye, le salaud. « Tu sais, me dit Serge, il aurait pu te tuer s'il l'avait voulu. Il t'a estourbé un peu fort, d'accord, mais je crois qu'il ne voulait pas aller plus loin. » « Emmène-moi à la gendarmerie, je vais porter plainte, déjà. » Mon entrée dans la gendarmerie fait sensation. Dans le regard de certains gendarmes, je lis de la compassion et de la sympathie, mais dans les yeux de certains autres, je devine l'ironie revancharde, l'air de dire « Alors le cow-boy, on s'est pris une grosse tête ?» Un maréchal des logis nous introduit directement dans le bureau de Louis. Sa première réaction est de réprimer un éclat de rire en voyant ma tronche enturbanée mais devant ma minique enflammée, son œil redevient clément et amical. « Rigole, je lui fais. Je te préviens que je suis déjà meurtrier en puissance. Et puis tout ça, c'est de votre faute, les mecs, incapables de faire régner l'ordre. Où sont le panache et l'efficacité de la gendarmerie, hein, Gary ?»« Calmos, Gino, » fait-il en riant. « Pendant que tu joues les Maharajas, mon bicou, nous n'avons pas perdu de temps. Tu vas voir. » Et Louis m'explique que dès qu'il a appris avant-hier par Paula que Marlène s'était noyée, il a demandé à ses gars de rechercher dans les archives la date de ce drame. L'enquête avait conclu à un accident. Une fois la date retrouvée, Louis s'est rendu au lycée voisin pour trouver dans les registres du lycée la classe de terminale qui correspondait à cette année-là. L'ancienne surveillante générale à la retraite, Madame Gouff, fut rappelée par le proviseur, inutile d'expliquer la joie que ressentit cette dame à la pensée de pouvoir résoudre un problème auquel elle seule pouvait apporter la solution. Il n'y avait qu'elle qui s'y retrouverait dans cette forêt de registres qu'elle avait elle-même tenue pendant tant d'années. Elle savait que de telle à telle année, on avait utilisé des registres de telle couleur, et qu'à une autre période correspondait une autre couleur. Cette excellente fonctionnaire retrouva non seulement la matricule des élèves de cette classe, mais en prime la photo du groupe complet flanquée d'un prof de géographie dont tout le monde avait oublié le nom. Certes, la photo est un peu passée, mais on pouvait reconnaître distinctement la physionomie de chaque élève. Ainsi Louis comprit que Sarah et sa sœur étaient dans la même classe, l'aînée ayant dû redoubler à un moment donné. Sur la photo, elles se ressemblaient comme deux jumelles et étaient aussi jolies l'une que l'autre. Il reconnut aussi Colette Dorme, toute frisottée et souriante, Denise Verme, la devanture déjà provocante et le sourire ravageur. Sur le visage des autres, on pouvait facilement deviner les problèmes psychologiques dont ils souffraient, qu'ils soient filles ou garçons, des sourires de commande, niais au possible, ou des gueules de cipon comme s'ils étaient dans un stalag. Louis avait cru reconnaître dans le faciès d'un des élèves le psy de l'Espérance, qu'il avait été voir pour mode. Aussi sec, il avait téléphoné et demandé à parler à Paul Marceau. Le praticien n'avait pas fait mystère d'avoir appartenu à cette promotion du lycée, et Louis lui avait demandé de venir le voir illico. « C'est bien vous là, docteur. Ah oui, quelle gueule j'avais. Vous vous souvenez du cobra, ça vous dit quelque chose ?»« Oui, » répond-il dans un éclat de rire. « Nous avions formé une bande, un peu comme une société secrète. On signait tous nos messages avec un tampon représentant un serpent. » Donc, vous en faisiez partie. Oui, on s'est bien marré, mais quelquefois on a dépassé les limites, je le reconnais. Nous étions des jeunes cons prétentieux, qui auraient mérité quelques coups de pied au cul, mais d'un autre côté on faisait peur, alors tout nous incitait à en remettre une couche. Vous pourriez nous montrer sur la photo ceux qui en faisaient partie ? Marceau scruta attentivement la photo. Au bout d'un moment, il désigna un par un les membres de la bande. Il montra Denise Verme, Colette Dorme, Sarah, une autre fille et trois garçons en plus de lui. « Il me faudrait les noms, docteur. »« C'est que je ne m'en souviens pas. »« Je cherche. » »« Voici la liste des élèves de la classe. Ça va peut-être vous revenir ?»« Ah, » fit-il, « j'espère. » »« Voilà l'autre fille, c'est Béatrice de Salvia. Elle est revenue au Vigan. »« Lui, ici, c'est Pierre Decaze. Il a monté une affaire du tonnerre de Dieu en Amérique. » À ma connaissance, il n'est jamais revenu ici. L'autre, là, c'est Marc-Antoine, l'empereur, on l'appelait. Lui, je sais ce qu'il est devenu. Il était gravement malade. Une leucémie foudroyante, il en est mort. Là, c'est Rémy Gouin, un allumé complet. En 68, il a pété complètement les plombs. Il a milité pour les combattants du peuple. Il s'est barré avec la caisse des jeunesses maoïstes. Ils ont failli avoir sa peau. Après, il a fait du prosélytisme pour une secte pas claire, où on séquestrait les gosses, et il a été condamné, je crois. Maintenant, il doit zoner quelque part, à Montpellier ou à Marseille, allez savoir. Mais c'est un type très intelligent. Et la sœur de Sarah Baum, elle ne faisait pas partie de la bande ? Non, elle allait en faire partie, mais elle est morte, la pauvre fille. Vous étiez présent quand elle s'est noyée ? Non, et heureusement, j'étais dans la famille, à Millau. D'ailleurs, c'est à partir de cet événement que la bande est partie en Bibrine. Après, c'était la fin de l'année, les examens passés, nos routes se sont séparées. La seule que je revois souvent, c'est Sarah. C'est moi qui lui ai demandé de venir donner des cours de gym aux pensionnaires. Vous avez dit qu'heureusement, vous n'étiez pas là. Pourquoi heureusement ? Marceau a l'air gêné par la question. Heureusement parce que ça a été un malheur. Pensez, une fille de 17 ans, avec la vie devant elle, et belle comme ça fout un coup tout de même. C'est malheureux à dire, mais les drames comme celui-là, on ne regrette pas de ne pas les avoir vécus. Vous savez ce qui s'est passé? Elle est tombée à l'eau. Il a fait un arrêt cardiaque, c'est ce qu'on m'a dit. Vous avez conservé un tampon de cobra en souvenir? Après un temps de réflexion, Marceau dit à voix basse. Il faudrait que je demande à ma mère s'il a conservé certaines de mes affaires. Là-dessus, Louis a questionné Marceau sur son emploi du temps pour les jours des deux meurtres. Pour le premier meurtre, son alibi tenait la route et pouvait être validé par plusieurs témoins. En revanche, pour le deuxième, il était resté dans son bureau et était sorti vers 8 heures du soir par une porte de service sans que personne ne le voie, en raison du temps qu'il faisait. Et ça ne vous a pas paru bizarre, docteur, que deux de vos anciennes camarades soient assassinés à quelques jours d'intervalle? Vous ne voyez pas qui, dans la bande, aurait eu intérêt à les massacrer de la sorte? Une vengeance quelconque, par exemple? Non, je ne vois pas. Ça ne vous est pas venu à l'esprit que l'assassin pouvait continuer à désinguer les autres membres de la bande, vous, par exemple? Vous cherchez à me déstabiliser, mais j'ai cru comprendre que l'assassin ne s'attaquait qu'aux femmes. Rien ne permet de penser qu'il se limitera au sexe faible. Vous pourriez être la prochaine victime. Si vous savez quelque chose de votre propre intérêt, il vaudrait mieux parler. À moins que vous n'ayez rien à craindre, parce que justement vous connaissez l'assassin. Marceau fait un bond sur sa chaise. Mais pourquoi vous obstinez-vous à établir une relation entre la bande et l'assassin? S'exclame alors Marceau, avec un accent de sincérité convaincant. Voilà pourquoi. Et Louis mit sous les yeux du psy les photos des deux signatures prises sur le corps des mortes. J'avais lu l'article dans le Midi Libre, mais je ne m'en rendais pas bien compte. Ah, ok, là c'est grave. Oui, surtout pour vous. Marceau baisse les yeux et fait un effort visible de concentration. Il s'agite sur sa chaise, mal à l'aise. Non, vraiment, à part Rémy Gouin, je ne vois pas dans la bande qui sera ces psychopathes pour commettre de tels crimes. Et pour se venger de quoi, grand Dieu? Ah, fait Louis, vous partagez aussi l'avis qu'il s'agit de vengeance? Bah, c'est ce qui était écrit dans l'article du journal. Après son interrogatoire, le psy est ressorti de la gendarmerie, beaucoup moins fier que quand il y était entré. Regardant à droite et à gauche, au cas où, l'air pas tranquille. Louis m'annonce enfin que cet après-midi, il accompagne Sarah Lanouche et le juge qui va certainement l'interroger sur son emploi du temps pour les deux assassinats et lui demander quelques précisions sur la mort de sa sœur. Une fois son récit terminé, Louis me regarde et me lance avec un coup de menton. « Alors, Fakir, qu'est-ce que tu en penses ?»« Beau boulot, la bande est au complet. À part Sarah, il y en a donc encore deux dans les parages, Béatrice Machin-Chose et le révolutionnaire. » Là-dessus, coup discret frappé à la porte du bureau de Louis. « Entrez, » dit-il. « Mon capitaine, Madame de Salbia-Poncé, désirait vous dire un petit mot. »« Tiens, » me fait Louis, « quand on parle du loup. Faites-la entrer. » La femme pénètre d'un pas décidé dans le bureau, et sans me prêter aucune attention, se dirige droit vers Louis, la main tendue. « Bonjour, mon capitaine. Excusez-moi de vous déranger, mais je n'en ai pas pour longtemps. » Enfin, elle daigne se tourner vers moi et laisse tomber un froid. « Bonjour, monsieur. » Je me suis déjà levé et la salue d'un hochement de ma tête bandée. La femme est de taille moyenne, mince, les traits réguliers, sans qu'on puisse dire qu'elle est jolie, la mâchoire volontaire, le teint mat et les cheveux bruns foncés coiffés en chignon, avec quelques fils d'argent. Ses longs cils et ses yeux très noirs annoncent des origines occitanes. Elle est habillée de manière extrêmement sobre, mais point n'est besoin d'être versé dans la mode pour remarquer que tout son vêtement, des chaussures au petit foulard noué autour du cou, ne vient pas de la Redoute ni des Trois Suisses, ou plutôt de chez Chanel, Charles Jourdan et consorts. BCBG pur sucre, jusqu'aux petites boucles d'oreilles en diamant et à la montre Cartier. Elle pue le fric, mais sans apparemment y prendre du plaisir et être bien dans sa peau. Le sous-préfet m'a chargé de mettre sur pied une cellule de coordination pour les secours et l'aide aux familles de victimes civiles. Nous comptons organiser une première réunion de travail en juillet, mais comme certains seront en vacances, je voulais savoir si vous êtes là et si vous acceptez de faire partie de cette cellule. Bien évidemment, chère madame. Il y aura le capitaine des pompiers, un représentant de l'hôpital, la sœur supérieure du couvent, la directrice de la Croix-Rouge et le président d'une cellule analogue qui fonctionne déjà sur Nîmes. C'est parfait, j'en informerai mes supérieurs. Vous recevrez justement une convocation de la sous-préfecture. Alors, à bientôt, fait-elle en serrant la main de Louis et en me gratifiant d'un signe de tête. malgré le ton très courtois, pas un sourire, ni une inflexion de voix engageante. Un animal propre, lisse et froid. Dès qu'elle est sortie, Louis me glisse. « Tu viens de faire connaissance avec Sourire d'Avril ?» Tout à coup, le bigot de Louis tressaute sur son bureau. « Allô, oui ?» Louis met sa main sur le micro du téléphone et s'adresse à moi à voix basse. « Gino, c'est ta femme qui demande quand on va lui ramener ce qui lui sert de mari. » Avant de partir, je tiens à porter plainte. On ne s'est pas laissé quelques que je pourrais garder de ce traumatisme. En remontant à Molière, malgré le savon que va nous passer Gilda, je demande à Serge de m'arrêter à l'Espérance pour dire au revoir à Valérie qui va nous quitter ce week-end. Dans l'entrée, je retrouve Béatrice de Salvia-Poncé qui marche vers moi d'un pas résolu, faisant claquer ses talons sur le dallage, tressauter ses seins dans son chemisier et vibrer ses cuisses un peu lourdes sous sa jupe droite. Tel un député en campagne, elle me tend une main ferme et grande ouverte. « Rebonjour, commissaire Volpi. Vous avez de la famille ici ?»« Non, et vous ?»« Non plus. Je suis membre du conseil d'administration de l'établissement, et de ce fait, je suis souvent ici, » me dit-elle avec un semblant de sourire qui correspond parfaitement à son personnage et son standing. Je commence à avoir les boules. Il faut que je me la paye, cette nana. « Ah » fais-je plein de compunction. « Je me demande quelle est l'institution ou l'association qui échappe encore à votre charité et à votre bénévolat. » Elle a une espèce de haut-le-cœur de surprise. J'ai visé juste et je m'en félicite. L'autre jour, Michel, l'homme à tout faire, m'a touché un mot de la façon dont elle traitait ses nombreux locataires de Montpellier et ses viticulteurs du Salavès, sourds de difficultés et au malheur des uns et des autres. « Je t'en foutrais, moi, de la charité. Allez, casse-toi, me dis-je. » « Mes respectueux hommages. » Je lui balance en guise d'adieu en la quittant. Au bruit que font ses talons, je remarque qu'elle a dû marquer un temps d'arrêt après ma répartie. Il fallait que je me paye quelqu'un. C'est tombé sur sa fiole, tant pis pour elle. Vers 5 heures de l'après-midi, sous une pluie battante, Loïc a son break face en cacou en faisant crisser les graviers devant la maison. Sans arrêter le moteur, il déboule dans la cuisine et me place un papier sous les yeux. « Nous venons de recevoir ça, » fait-il l'air consterné. C'est un court billet, tracé à la main, mais en écriture bâton cette fois. Cher capitaine, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Pensez aux âmes de Colette et de Denise, qui errent certainement dans le purgatoire, puisque l'enfer est ici-bas. Un dessin de cobra en signature. Cette fois, l'assassin s'est adressé à qui de droit, fais-je. Mais c'est toujours aussi absconce, juste de quoi nous balader pendant qu'il estourbit sa victime, peinard. J'ai ordonné une protection sur Marceau, le psy et Sainte-Béatrice, mais aucun des deux n'a pu être trouvé pour l'instant. Fan de pute. Il va faire son coup dans l'heure qui vient. Il faut se remuer et trouver l'endroit. La rivière? Le lycée? Non, il y a toujours un rapport avec le texte du message. Le bon Dieu, c'est toi. L'enfer ici-bas. Pensez aux âmes. Paula frappe la table de la main. Allez plutôt prier à l'église, bande de niailles, s'écrie-t-elle. « Oh, Macarel, punaise, l'église, c'est pas si con !»« J'y vais, » dis-je en attrapant les clés de la méharie. « Non, laisse, viens avec moi. Allez, qu'est-ce qu'on risque ?»